Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Arthur Lanterre. Hello Julien Vidal. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette quatrième saison, le podcast 2030 Glorieuses, il est encore et toujours soutenu par la TNEF. La TNEF, c'est la banque des 2030 Glorieuses. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat qui me permet, moi, de continuer à vous faire rencontrer des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes inspirantes. En général, je le dis à chaque fois comme ça, mais là, c'est particulièrement vrai, des personnes inspirantes comme Arthur. Vous allez l'entendre, en fait, c'est un épisode un peu particulier et à la fois, je veux vraiment faire l'exercice de mener cet épisode comme j'ai l'habitude de les mener, puisque je suis très heureux de donner la parole à Arthur. Arthur, il travaille avec moi à déployer les 2030 Glorieuses. Tu nous as officiellement rejoint cette année, mais en réalité, ça fait déjà depuis au moins l'année dernière que tu es impliqué et tu nous le raconteras dans les 2030 Glorieuses, dans le déploiement de notre kit, notamment notre kit des conversations utopistes qui est en train d'avoir plusieurs vies et on va en reparler. On fait cet épisode parce que j'étais très heureux de te donner la parole, de montrer qu'il y a des métiers qui touchent du doigt vraiment cette nécessité de reprendre le pouvoir des imaginaires, mais ensuite de les cultiver, de les entretenir. On va parler de comment nourrir, réveiller, déployer notre muscle utopiste. On va parler ensemble de radicalité dans notre utopie, d'ambition. On va parler de comment la puissance de l'imaginaire, elle se met au service du collectif et vice versa. Mais avant ça, on va jouer le jeu des différentes étapes du voyage en 2030 glorieuse et j'en profite avant qu'on se lance parce que je sais que derrière, une fois qu'on est lancé, je sais pas trop. D'ailleurs, je préfère vous prévenir. Je sais qu'en général, on essaie de faire des épisodes de 45 minutes. Là, je sais pas du tout si je vais réussir à faire en sorte de tenir les deux pipelettes que nous sommes mutuellement avec Arthur. Mais donc, j'en profite pour vous annoncer que cet épisode, il se fait aussi un peu dans le cadre de la sortie. Je vous le disais, on parlait d'évolution du kit des conversations utopiques d'ailleurs. En fait, on a la sortie du livre Imagine Demain qui est la suite de cette évolution et ce kit il va se retrouver donc du coup partout en librairie et ça sort le 3 octobre attention parce que en fait initialement la sortie était prévue le 26 septembre mais finalement ça va être décalé d'une toute petite semaine. Voilà, vous le savez, je te donne enfin la parole Arthur. Imagine tu as une soirée, un événement où tu rencontres pour la première fois des personnes, vient cette question fatidique, toi Arthur tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu leur réponds? Merci Julien. J'ai un malin plaisir à chaque fois qu'on me pose cette question à répondre de manière assez floue. Et ben moi je fais voyager les gens dans le futur. Ce à quoi les gens me répondent en général, attends, comment ça marche? Ok, génial, mais c'est quoi? C'est de la VR? Et je leur dis non, pas du tout. C'est vraiment par les rencontres et par le dialogue. C'est une expérience de projection où on va oser se parler du futur au présent et le faire avec optimisme. Et souvent, j'adore voir les étoiles qui s'ouvrent dans les yeux en face de moi parce que c'est quand même assez inédit de se projeter non pas dans un futur décadent, une dystopie, mais justement de le faire avec optimisme. Et là, je suis quand même... Bon, après, je suis retourné sur LinkedIn, j'étais plus exactement sûr, mais j'aime bien faire cet exercice en général. Et toi, tu es chargé de déploiement des utopies, si je ne dis pas de bêtises, c'est ton intitulé LinkedIn. Est-ce que tu le dirais comme ça? Si jamais tu devais vraiment catégoriser ton métier, est-ce que tu le dirais comme ça? Ou est-ce que finalement, tu l'as, au gré de cette conversation... J'aurais à redéfinir un peu tout ça maintenant que ça fait plus de 6 mois que tu es officiellement chargé de déploiement des utopies. Alors, ça me rappelle justement les premiers jours passés à l'Institut des Futurs Souhaitables, là où j'ai fait de la lab session. Et c'est vrai qu'on commence cette première journée surtout en ne parlant surtout pas de son métier. Ce qui est aussi quelque chose de très appréciable. Et arrive un moment où on dévoile un PowerPoint avec tous les métiers éclatés. Et j'avoue que j'avais une certaine fierté au milieu de tous ces jobs d'être le chargé de déploiement des utopies, parce que je voyais un peu quand cette carte est sortie, tout le monde a fait un peu waouh, c'est quoi ça? Et c'est vrai que c'est sympa. Alors j'aime bien en parler comme ça aussi quand je me présente, mais souvent quand on me pose la première question, comment est-ce que tu définis, c'est quoi ton job, j'aime bien en faire une ouverture plus vers les demi-trente glorieuses que vers moi, mais effectivement chargé de déploiement ça colle vraiment bien dans la mesure où ça implique aussi énormément de choses, énormément de responsabilités, énormément d'outils à tirer de ma casquette, et j'ai véritablement l'impression d'être un couteau suisse des 2030 glorieuses, et c'est aussi ce qui m'éclate au quotidien dans ce que je fais. Et à la fois, l'objectif vraiment du podcast, c'est de montrer ces métiers qui se normaliseront en 2030 glorieuses. Donc normalement, quand on est en 2030 glorieuses, j'ai l'impression, et je veux bien qu'on fasse cet exercice 30 secondes ensemble là, que en fait, il n'y a plus besoin de les déployer, ces utopies. Et donc du coup, est-ce qu'en fait, finalement, ton métier là, ça ne serait pas les prémices d'une évolution qui serait, excuse-moi de le dire comme ça, mais peut-être coach en imaginaire ou culturiste des utopies. Enfin, tu vois, il y a cette idée un peu du muscle de l'utopie que moi j'aime bien. Est-ce qu'on n'est pas un peu là pour les raffermir, ces muscles, pour les entraîner, peut-être même tout simplement entraîneur en imaginaire ou en utopie? Et tu vois un peu cette notion de le jour où tout le monde se réactive, tout le monde se ressaisit de ses pouvoirs, comment on fait pour qu'ils s'entraînent au quotidien, qu'ils s'en puissantent peut-être même? Tout à fait. Alors, je te rejoins entièrement là-dessus, tout en précisant le fait que ça, c'est une de mes casquettes. Justement, ça, pour moi, c'est vraiment la définition et colle parfaitement à un guide de voyage en 2030 glorieuse. Et c'est le rôle de cette personne qui va aller animer un atelier de voyage en 2030 glorieuse et qui va aller vraiment réveiller cette capacité à se projeter dans des futurs souhaitables, cette capacité à nous reconnecter à nos rêves. Et je dirais que c'est clairement une des parties de mon quotidien que j'aime le plus. C'est ce moment où les personnes qui arrivent un petit peu, pas forcément en sachant ce dans quoi ils s'embarquent, au bout de 15 minutes, pour les moins utopistes d'entre nous, vont réellement avoir quelque chose qui se passe corporellement, une certaine énergie, une chaleur qui vient dans leur ventre, et ils vont vraiment se reconnecter à ce qui les a appelés depuis leur plus tendre enfance et ce qui les fait vraiment vibrer. Et donc ça, c'est vraiment ce coach en utopie, à mon sens, c'est quelque chose qu'on a tous intrinsèquement, assez naturellement en nous, et c'est quelque chose qu'on peut aussi réveiller, et je suis ravi d'avoir développé notamment la formation pour les guides de voyage en 2030 glorieuses, puisque c'est aussi ma capacité à réveiller ça en chacun pour mettre en confiance et s'aimer à plus grande échelle, cette volonté de se projeter dans des futurs optimistes. Et en même temps, justement, dans le futur, ça ne m'étonnerait pas que j'ai encore 5, 6, 7 activités différentes qui se complètent. Euh, et, et qui œuvrent toutes dans le même sens. Et c'est aussi ça qui m'éclate aujourd'hui dans les Demi-Trente Glorieuses. J'aimerais beaucoup faire plein de voyages, mais je pense que j'aime aussi travailler avec cette communauté de guides. J'aime pouvoir en parler avec différentes organisations qui ont envie de faire des voyages. J'aime développer des outils aussi à travers la technologie utilisée de manière intelligente. Pour essaimer encore plus efficacement. Mais ça, c'est le comment, Arthur, hein, je me permets de t'interrompre, finalement, c'est le comment. Et du coup, là, avec les métiers des Demi-Trente Glorieuses, mais j'essaie vraiment de travailler le vers quoi. Et donc, le vers quoi, tout ce que tu tends à faire, finalement, c'est de muscler l'utopie des gens. J'aurais quand même tendance à le dire comme ça. Je reste d'ailleurs sur cette notion d'utopie parce que c'est toujours sur ta fiche LinkedIn qui est un peu la fiche d'identité professionnelle. Donc, je m'y attarde un peu. J'espère que ça te va. Mais tu te décris comme utopiste. Utopiste en 2023, ça reste quand même un peu une insulte, non ? Pourquoi c'est à la fois positif d'être utopiste en 2023 selon toi et pourquoi c'est même nécessaire, voire radical d'être utopiste ? J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine détermination à afficher comme ça de manière ostentatoire, comme tu le fais sur les réseaux, le fait que tu te caractérises comme utopiste. Pour moi, il n'y a vraiment rien d'une insulte derrière utopiste. Par contre, c'est vrai que le terme a été entièrement galvaudé. À la base, utopie, c'est quand même qui n'existe en aucun lieu. Ça ne veut pas dire qui est irréaliste, c'est qui est irréalisé. Et il y a énormément de mots comme ça qu'on a dépossédés de leur sens premier. J'ai beaucoup aimé voir, justement, tu parlais de LinkedIn. Hier, j'ai vu un super post de Maxime de Rosteland dans lequel il met en avant le fait que écoterroriste, c'est probablement un terme qui a totalement perdu de son sens. Un écoterroriste, c'est pas quelqu'un qui défend la nature. A priori, c'est plutôt quelqu'un qui va la détruire tout simplement pour se faire quelques millions. Et non, je suis ravi de porter haut et fort la couleur de l'utopie et de l'assumer et au contraire de le revendiquer pour redonner ses lettres de noblesse à ce mot dont on a plus besoin aujourd'hui que jamais. Et pourquoi, alors justement, tu me permets de faire la transition, pourquoi on en a plus besoin que jamais et pourquoi du coup, pour toi, c'était important et on y reviendra juste par la suite de finalement bifurquer ou pas. D'ailleurs, tu me diras si professionnellement, tu as l'impression de t'être formé depuis ta plus tendre enfance à avoir ce métier-là de chargé de déploiement des utopies ou pas et comment on en vient à être chargé de déploiement des utopies. Mais pourquoi c'est important pour toi de faire ça maintenant en 2023? Pourquoi c'est allez, j'ose le dire, le meilleur endroit que tu as trouvé pour y mettre l'énergie et toutes ces heures qu'on consacre à nos vies professionnelles. Vas-y, tu peux oser hein, pleinement. J'assume aussi le fait de dire que je me sens pleinement à ma place et que j'ai la chance, je me sens très heureux de sentir que j'ai mis le doigt, touché mon ikigai du moment et que je suis en plein dedans, totalement aligné avec mes choix et mes actes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire aujourd'hui plus que jamais? Ben, on a toujours eu une urgence à se poser la question de ce qu'on voulait, mais la différence à notre époque, c'est quand même qu'on fonce droit dans le mur, et ça, on le sait depuis plus d'une cinquantaine d'années, que notre système, notre modèle économique à l'échelle de notre société exploite entièrement la nature et qu'on voit très bien que toutes les limites planétaires sont franchies les unes après les autres et qu'on atteint des points de non-retour à tous les échelons. Et c'est pas pour autant qu'on le sait qu'on agit et qu'on arrive à transformer ça. Il y a des épiphénomènes, mais ça ne modifie pas la nature même de cette société qui a tendance à avoir des garde-fous naturels. Et véritablement, aujourd'hui, on vit une crise, au-delà d'une crise écologique, on vit une crise de l'imaginaire. Même quelque chose de l'ordre de la guerre des imaginaires. Et on est dépossédé dans notre enfance, dans notre éducation, en tout cas dans les sociétés occidentales qui sont pour la plupart responsables des grandes crises qu'on connaît, on est dépossédé de cette capacité à nous projeter et de nous, vraiment nous poser la question de ce dont on a envie. Et on a besoin activement de travailler à reconquérir notre être, à sortir de conditionnements subis. Et je pense vraiment que ça passe par cette capacité à nous projeter dans nos désirs profonds et pas simplement du paraître. J'ai l'impression quand même que là, tu vois, tu parles de ce combat des mots et je pense que peut-être que ce sera les historiens qui le diront comme ça, mais ça marque un tournant en fait entre les ères, l'utilisation qu'on fait de certains mots. Et j'ai vraiment l'impression que le capitalisme a réussi à faire du rêveur quelqu'un, bah, du coup, d'improductif et donc de pas nécessaire, voire même de contre-productif. Et donc là où John Lennon nous disait qu'il fallait imaginer et que lui, se décrivait comme un rêveur, comme quelque chose de beau, de positif, de vertueux, ben, en fait, le capitalisme a réussi à faire en sorte que quand on dit quelqu'un qu'il est rêveur, ben, en fait, il est dans la lune, il est ailleurs, et donc il est un peu perdu, alors que finalement, c'est Patrick Vivray qui le dit comme ça, philosophe qui intervient souvent, d'ailleurs, dans la galaxie de l'Institut des Futurs Souhaitables, et qui dit qu'il faut qu'on prenne nos rêves pour en faire des stratégies. Et donc, cette idée de rêve, je pense que ça permet aussi de dépasser la simple croissance économique, permet de dépasser la question du matérialisme. Et là, on va sur des choses qui sont beaucoup plus de l'inné, de l'éthérique, en fait, de l'impalpable, et qui sont sans doute aussi plus vertueuses pour ces fameuses 2030 glorieuses dont on parle beaucoup. Ces rêves, toi, j'ai l'impression que tu as réussi quand même pendant presque toute ta vie, mais je me trompe, et du coup, c'est ma question que je voulais te poser sur tes évolutions professionnelles, à ne jamais complètement les laisser s'éteindre. Est-ce que c'est ça, finalement, ce qui fait la formation pour être chargé de déploiement des utopies? Qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont les compétences qui sont nécessaires, selon toi, et la formation ou pas que tu vois maintenant dans ton parcours particulièrement clé pour faire en sorte que tu sois la bonne personne pour ce poste que tu nous présentes aujourd'hui? Je dirais que tout ça, tous ces choix, ils ont pris racine à l'adolescence. Entre mes 14 et mes 18 ans, le nihiliste et l'utopiste qui étaient en moi, qui s'affrontaient et qui se complémentaient, et qui se complétaient même. Je dirais que l'utopiste a gagné. Quelque part, j'ai préféré y croire parce que sinon, à quoi bon? Et tout ça m'a mené vers une multitude de choix. J'ai commencé par faire beaucoup de musique. Ma première volonté, ça a été de m'orienter vers l'art. Et à un moment, j'ai eu plein de choses qui me sont un peu tombées dessus en même temps, plein de difficultés. C'était vraiment une période pas facile de ma vie qui m'a fait vraiment me replonger aussi dans ces questionnements existentiels et qui m'ont fait me dire, mais en fait, j'adore la musique, ça me permet d'être vraiment pleinement épanoui à plein de niveaux, et en même temps, j'ai l'impression que ça ne me suffira pas. Si je suis sur mon lit de mort et que je regarde derrière moi, j'ai eu plein d'exemples, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes vraiment inspirantes qui avaient totalement réussi dans la musique et qui en plus étaient extrêmement modestes. Et c'était un peu l'accomplissement en soi, la voie qui s'ouvrait à moi. Et je me disais que c'était pas mon chemin et que j'aurais eu l'impression d'être une goutte d'eau dans un océan de culture et que c'était pas ça qui m'appelait. Et à partir de ces questionnements, j'ai vraiment décidé ouais, je pense que j'ai bifurqué à ce moment-là et je devais avoir 24 ans. J'ai décidé de bifurquer à ce moment-là et de vraiment, avec toute la naïveté que je pouvais avoir de l'époque, qui était très utile, je pense que je me suis dit que j'allais monter une plateforme pour sauver le monde, bon, vraiment en caricaturant les traits. Sauf que j'y connaissais absolument rien à la technique, j'y connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat. Moi, ce que je savais un petit peu de l'entrepreneuriat, c'était comment manager un groupe, quoi. Et je me suis dit qu'il fallait que je me forme et je l'ai fait beaucoup par moi-même. Je me suis intéressé à tout ce qui était gestion de projet, etc., en parlant avec des amis qui avaient fait des écoles de commerce, en essayant d'extraire le suc positif de leur expérience. Je me suis formé à l'informatique en commençant par le faire un petit peu de mon côté. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit, mais attends, pourquoi tu ne ferais pas un bootcamp ou quelque chose comme ça? ce que j'ai commencé à faire. Et puis, je me suis dit, pendant ce bootcamp, que j'avais envie de le faire vraiment à fond. J'ai rejoint l'école 42, qui est une école d'apprentissage en pair à pair, donc sans prof, sans horaire, simplement de la méthodologie à projet. Et ça a été une expérience, au-delà de l'apprentissage, même de la technique, ça a été une expérience humaine très forte. Et tout ça m'a mené au fur et à mesure à travers la technique, à bosser dans des entreprises moins vertueuses que ce qui m'avait amené là, à travailler dans l'intelligence artificielle, etc., mais sans jamais perdre cet objectif. Et on m'a plusieurs fois offert des boulots très attrayants, en particulier au niveau du salaire, et ça a été une réelle lutte de toujours garder cet objectif, et plus qu'une lutte, une hygiène personnelle. J'avais vraiment l'impression de devoir esquiver des pièges. Et je comprends tellement qu'on tombe là-dedans. C'est justement un petit peu ces garde-fous dont je parlais tout à l'heure. Et je suis content de ne jamais avoir perdu ça. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai été encore plus derrière amené à travailler avec l'entrepreneuriat. J'ai eu des super expériences dans un incubateur. Et en même temps, je me suis dit que ça ne suffirait pas, que j'avais vraiment... Je me rappelle encore, j'ai déjà fait des thérapies avec la sophrologie où mon objectif, c'était je veux me reconnecter à l'utopiste qui est en moi. J'ai aussi, au sein d'une méthodologie de développement personnel que j'ai développée, en pair à pair, justement, un peu inspiré de l'école 42, un de mes objectifs, ça a été, ok, mais comment est-ce que tu fais pour te reconnecter à l'utopie? Et l'une des premières tâches que j'ai eues dedans, c'était recontacte Julien. Et c'est comme ça qu'il y a bientôt 2 ans maintenant, je t'ai envoyé un message LinkedIn en te disant « Salut Julien, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de t'en donner. Je suis ce que tu fais de loin et j'ai envie qu'on bosse ensemble. » Et c'est ça qui nous a amené à collaborer aujourd'hui à l'épanouissement des 2030 Glorieuses. Donc là, tu nous racontes comment tu t'es autorisé à en faire vraiment ton métier, comment finalement tu as réussi. Et c'est vrai que pour s'autoriser à faire un métier, parfois il faut aussi éviter de tomber dans des pièges, tu fais bien de le mentionner, tendu aussi un peu par la société, par notre envie de confort, par notre envie d'appartenir à un groupe social, de rassurer nos parents, pourquoi pas, j'en sais rien, bref. Et donc tu racontes tout ça. Et à la fois, tout à l'heure, je reviens un peu sur cette idée de métaphore de coach sportif, parce qu'on est coach des utopies d'une certaine manière, de notre muscle utopiste. Un coach, en général, même si c'est vrai qu'on a tendance à moquer un peu les profs de gym qui sont avec leurs survettes et leurs ventes bedonnant, mais un coach, quand on les imagine en salle ou que sais-je, sur un terrain, ils sont quand même costauds, ils sont quand même bons dans leur sport, ils sont quand même assez, un moment ou un autre, en tout cas, ils ont été vraiment dans la pratique de leurs muscles, pour le dire comme ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es particulièrement dans la pratique de ce muscle, même avant qu'on se rencontre, et comment tu l'as pratiqué, ce muscle utopiste, comment tu t'es entraîné et comment tu continues à maintenir cette hygiène pour progresser encore sur ces sujets? Je pense que la première des choses, ça a été de toujours vouloir m'ouvrir à d'autres prismes, d'autres perceptions. Déjà à travers le voyage. Tu parlais de la musique aussi, de la créativité qui va avec. Mais ça a été... j'ai ça depuis tout jeune. Et dans la musique, tu peux aussi... vraiment trouver quelque chose qui est de l'ordre de notre société, dans la représentativité, dans le côté compétition. Tu peux trouver ça aussi. Et donc ça dépend encore une fois de ce que tu veux en faire. Et je pense que il y a plein de choses qui m'ont amené à cultiver cette utopie en moi. Et aujourd'hui, ça passe surtout par garder cette capacité à m'émerveiller. J'ai la chance d'avoir fait le choix d'habiter juste à côté de la mer. Et je fais attention à m'offrir du temps pour aller justement nager avec les poissons et profiter de l'émerveillement que je peux avoir. Et c'est quelque chose quand on vient passer du temps avec moi, justement, quand je fais découvrir mon univers, j'adore emmener les gens à mon endroit ressource, qui est un petit récif qu'il y a sous l'eau, où il y a parfois des milliers de poissons qui sont là pour être ici et pour partager. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens que j'ai de cultiver ça. Ouais, tu me fais un bon contre-pied, Arthur, parce que tu vois, je m'attendais un peu à ce que tu me parles de tes ressources, de tes lectures, de tes manières d'avoir une info un peu plus positive. Mais finalement, il y a une simplicité dans ta réponse qui montre que aussi l'utopie, elle est tout autour de nous, dans notre vivant, dans notre paysage, dans tout ce qui, en réalité, fait déjà partie de nous, parce que on fait partie de ces espaces qu'on dit naturels, qu'on dit environnement, mais qui en fait nous nourrissent, nous remplissent et dont on fait partie. Et donc d'avoir cette humilité, cette simplicité, cette capacité à voir la beauté dans tout, ça nourrit aussi nos utopies finalement. Tout à fait. Et d'être vraiment en conscience et de aussi vraiment de cultiver la gratitude. Ça c'est quelque chose, c'est un réel apprentissage de ces dernières années pour moi, c'est de savoir m'émerveiller et aussi d'être vraiment dans la reconnaissance de ça. Et je suis jeune papa, j'ai ma fille Sunny qui a 1 an maintenant, et d'être vraiment présent avec elle et de sentir à quel point elle a tellement de choses à m'apprendre à ce niveau-là, et de déconstruire mon conditionnement à travers ça, c'est quelque chose qui est vraiment très riche. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un épisode intimiste, ça sera l'occasion de voir s'il y a vraiment des gens qui écoutent derrière ces chiffres qui en plus en ce moment sont vraiment sur une courbe ascendante que je vois derrière les écoutes du podcast, comme ça nous permettra de voir s'il y a des vrais humains ou pas, donc répondez dans les commentaires si jamais vous écoutez ce passage-là. Et on termine avec ça, enfin j'aurai une mini question après pour toi Arthur, et puis on va pas trop faire patienter les gens qui nous écoutent pour faire ce voyage ensemble en 2030 glorieuse, mais petite anecdote, on mange ensemble pour la première fois il y a quelques temps, et puis vient ce moment où tu me dis attends avant qu'on mange, j'aimerais faire un peu ce jeu de la gratitude pour dire merci au soleil, merci aux paysans, merci éventuellement l'animal qui a aidé à produire le lait, donc il y a plein de merci comme ça que tu partages, et donc j'avoue que moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas et auquel je me suis habitué un peu maintenant que je te vois, et je sais pas pourquoi, mais la dernière fois qu'on mange ensemble en famille, je commence à faire le jeu des merci, mais là parce que je venais d'entendre je sais plus quelle nouvelle sur Patrick Pouyanné ou je sais pas quel milliardaire, je commence à faire ce jeu un peu cynique en disant merci à Patrick Pouyanné pour tout le pétrole qui a permis d'acheminer cette carotte jusqu'à moi, merci à Elon Musk, enfin je fais tous les merci un peu comme ça, et je me rends compte à quel point finalement d'une certaine manière j'avais du mal à le faire parce que en réalité à part le pétrole aussi de vivre de plus en plus dans le côté local, dans le côté utopiste des 2030 glorieuses qui fait qu'on appartient à un cercle proche et de gens qui sont vraiment convaincus, en fait tu arrives à éliminer tout un tas de ces gens dont on parle malheureusement encore trop souvent à la radio, donc parce que j'essaie de le faire un peu de manière cynique, je me suis rendu compte que mon incapacité à le faire, ça montrait aussi qu'il y avait un alignement dans mon quotidien qui était finalement bienvenu. Mais il se trouve que justement, il me semble que je l'avais fait avec toi la première fois justement, quand ça m'arrive vraiment de le faire en conscience, quand je mange, et souvent quand j'ai une assiette qui est rempli de plein de produits différents, et ça, surtout ça, on prend ça tellement pour acquis, à ce moment-là, je remercie quand même le système capitaliste, et je dis que c'est quand même grâce à lui qu'on a aussi toute cette richesse, et peut-être qu'il faudra apprendre aussi à en ressortir un petit peu, ou alors à le faire différemment, mais ça passe tout simplement par plutôt manger des produits de saison, etc., et donc de s'autoriser à changer certaines habitudes qui sont totalement ancrées dans notre manière d'être. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi remercier ça et que ça nous permet aussi de prendre en conscience certaines dissonances cognitives qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a vraiment de ça aussi. Il y a vraiment cette capacité à nous remettre en question par rapport à toutes ces choses qu'on prend pour acquises et qu'il va falloir déconstruire au fur et à mesure. en conscience. Donc si vous nous écoutez, vous avez envie de partager vos expériences de, pourquoi pas, moments de remerciement avant de manger ou d'autres petites bonnes pratiques de conscience et de quotidien que partage Arthur, bah, n'hésitez pas à nous les partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ça c'est dit. Je te pose une question qui est hyper difficile, Arthur, je le sais d'avance et je m'en excuse, mais à la fois j'avais envie de laisser comme cadeau à toutes ces personnes qui nous écoutent cette trace, ce côté très concret d'un bel exemple d'un voyage en 2030 glorieuse qui t'a particulièrement marqué, d'un témoignage, d'un retour, d'un visage qui s'est éclairé, j'en sais rien, si tu devais nous partager une belle histoire sur ces voyages en 2030 glorieuse que tu fais vivre, tu nous raconterais quoi ? Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Et je tiens à dire d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent qu'on a délibérément pas préparé cette interview avec Arthur, donc je lui livre les questions en temps réel, donc c'est pour ça que c'est parfois un peu... Voilà, c'est la surprise. Hein. J'hésite entre deux moments. Trois. Ouais, c'est trop dur de choisir. Je dirais c'est à chaque fois que j'ai vu des larmes, à chaque fois que j'ai vu de l'émotion, à chaque fois que j'ai vu... C'est souvent des larmes de prise de conscience, des larmes de gratitude, des larmes de qu'est-ce que ça me fait du bien de me projeter dans des futurs souhaitables et de faire ça avec, ouais, qu'est-ce que ça me fait du bien d'être optimiste pour une fois par rapport au futur. Et je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement à notre époque. C'est quelque chose qui pourtant est humain. On a commencé par le faire. Je pense que c'est comme ça que s'est développée notre société de manière si efficace. C'est parce qu'on a cru à des choses. Justement, Patrick Vivray, comme tu le disais, il est temps de prendre nos rêves au sérieux et d'en faire des stratégies. C'est quelque chose qu'on a totalement lâché et c'est quelque chose que dont j'ai été témoin plus d'une fois. C'est ce côté des gens qui disaient « Eh mais en fait, je peux prendre mes rêves au sérieux. » Je pense à Pascal qui a participé à un déjeuner utopiste et qui a eu les larmes aux yeux à nous dire que ça lui faisait un bien fou. Je repense à une méditation utopiste, pareil, avec des larmes, mais à n'en plus finir de qu'est-ce que ça me fait du bien. Et aussi à un moment dans une formation où là, c'était plus on s'autorise à montrer nos émotions et des choses qui nous touchent. C'est Guillaume qui s'était livré alors que c'était des gens qui ne se connaissaient pas. Et c'est ces moments-là, finalement, à chaque fois, qui sont extrêmement précieux. Cette intimité qu'on accepte de livrer à des personnes qu'on ne connaît pas et cette confiance qu'on a... qu'on s'offre les uns aux autres et vraiment ce côté où on s'autorise à se montrer vulnérable et on en ressort grandi. On va faire ce voyage en 2030 glorieuse, Arthur. Peut-être que ça donnera justement l'envie à des personnes à s'autoriser à être vulnérables et à en ressortir grandi. Et à toucher ce côté enfantin, finalement. Tu parlais de naïveté tout à l'heure, de cette envie de jouer avec ses rêves, avec ses émotions, avec qui on est vraiment et qui, en réalité, nous fait toujours du bien et dont on a été de plus en plus éloigné. On va faire ce voyage, mais avant, comme d'habitude, hein, l'invité vient avec un cadeau, une bulle d'inspiration qu'il retrouve dans un des livres qui est... autour de lui, peut-être dans sa bibliothèque, peut-être dans ses toilettes, j'en sais rien, bref. Ou en tout cas dans sa bibliothèque mentale de tout ce qui l'a inspiré, parce que je suis persuadé, moi, que dans la littérature, parfois de 100, 200, 300 ans en arrière, il y a déjà des perspectives, des 2030 glorieuses, des petites bulles enthousiasmantes qui nous montrent à quoi pourrait ressembler cette société durable et solidaire. Qu'est-ce que tu viens nous offrir, toi, comme cadeau, Arthur ? Alors, je viens vous lire « Nous sommes l'étincelle » de Vincent Villeminot. Qui est un roman d'anticipation, étonnamment, qui tient de la fiction utopiste. J'adore tout ce qui est science-fiction et j'aime encore plus ces dernières années vraiment chercher des pépites qui vont plus dans un sens positif. Alors bon, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas non plus totalement irréel, justement. Il y a tout ce côté dualité, toutes les les difficultés qu'il y a encore à aller rechercher de nouveaux modèles qui émergent, et ça dans toutes ces fictions utopistes qui fonctionnent, avec les bons ressorts, justement, au niveau de l'histoire. Et ce livre, on me l'a conseillé, on me l'a offert il y a quelques mois, et je trouve qu'il se lit très très bien. Et il y a notamment un passage qui est écrit par un jeune prof d'Oxford, le plus jeune, qui a 23 ans et qui finalement refuse cette vie et qui décide de faire sécession. Et c'est un texte fictif qui est écrit par cette personne. Ce qui est drôle, c'est que le livre est sorti, je crois, en 2019. Et le texte est daté de 2022. Quand je l'ai lu, moi, c'était en 2023, et tout de suite, j'ai cherché le texte en ligne et je ne l'ai pas trouvé. Mais il y a des petites parties par-ci, par-là, et j'ai trouvé ça très sympa. Et je vous le lis. Révolution. Tour complet sur soi-même pour revenir au point de départ et rebâtir le statu quo ante. Sur d'autres bases, peut-être, avec d'autres vainqueurs, d'autres injustices, d'autres lésés pour compte, et pour finir, toujours au même endroit, sur le même théâtre. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas cette révolution. C'est une conversion, un embranchement, un départ. Nous ne voulons pas vous remplacer, vous chasser, nous emparer individuellement ou collectivement des commandes qui nous régissent, vous et nous. Gardez-les, nous vous les laissons. Votre envie sincère de nous offrir une place, nous n'en voulons pas davantage. Ce qu'il nous faut, c'est rompre. Vous nous avez laissé le choix de la dissidence. Nous pouvons encore nous asseoir à l'écart pour travailler à des sociétés plus modestes, liés par l'amitié, gouvernés par le souci de ne renoncer chacun à aucune souveraineté et qui ne ressembleront pas à celle-là. Il nous reste cela. C'est pourquoi nous faisons sécession. Ça y est, on a fait sécession puisque nous, on est parti en 2030 glorieuse. Donc, on a fait sécession avec les personnes qui nous écoutaient, Arthur, il y a quelques minutes dans ce podcast et qui étaient comme nous à l'époque en 2023. Elles sont restées en 2023, malheureusement, les pauvres. Et nous, on est en 2030 glorieuse, dans ces 2030 glorieuses qu'on va faire exister le temps d'une conversation grâce à notre imaginaire. Donc, on va faire cet exercice de parler. Et tu le sais bien, mais je le redis pour les gens qui nous écoutent, si jamais c'était la première fois qu'ils écoutaient un épisode des 2030 glorieuses. Donc, on va partir, nous, on 2030 glorieuse, on y est déjà. On parle des 2030 glorieuses au présent, on essaie de les décrire du mieux qu'on va même réussir à faire, j'en suis persuadé, pour que les personnes qui sont, elles, restées bloquées en 2023 à l'époque, hein, où on enregistrait cet épisode, puissent les sentir presque, les toucher du doigt au moins, ces 2030 glorieuses. On est donc dans une période où on a réussi. Réussi à quoi? On va le définir ensemble. C'est sûr que tout n'est pas réglé, tout n'est pas beau rose, mais on sait qu'en tout cas, les nouvelles boussoles font que vraiment, on prend à bras le corps les enjeux de notre société, des enjeux écologiques, des enjeux solidaires, qui font qu'on doit effectivement réduire plein de trucs, mais qu'on va aussi viser de nouvelles abondances. Et ça, ces abondances, elles se nourrissent, elles se décident grâce à l'imaginaire. En 2023, à l'époque, tu t'en souviens, on disait de quelqu'un qu'il était bisounours comme une critique. Maintenant, quand on dit de quelqu'un qu'il est bisounours, naïf, rêveur, utopiste, c'est plus qu'un compliment, hein. C'est un vrai état d'esprit, en fait. Souvent, il y a même presque une petite pointe de jalousie quand on dit ça. C'est vraiment quelque chose qui donne envie. Quand on voit quelqu'un a réussi à rester pleinement enfant, c'est quelque chose qui inspire, quelque chose qui qui émerveille aussi de voir quelqu'un qui est capable de flâner, d'aller toucher la feuille d'un arbre et de s'émerveiller devant, devant justement la couleur, la texture. C'est effectivement... Alors, je pense qu'il y a Bisounours, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du rêveur, surtout. Et souvent... Souvent, quand on dit de quelqu'un « Waouh, mais t'es tellement rêveur », c'est un petit peu les nouvelles rockstars, tu sais, en 2030. Et d'ailleurs, c'est mis... Aujourd'hui, on met sur notre CV si on est bon en espagnol j'en sais rien, PowerPoint, je sais même pas s'il y a encore du PowerPoint en 2030 glorieuse, mais on met aussi, en qualité, on met rêveur. Hein. Et c'est même plus que des qualités, c'est des compétences. Là. Totalement. Après, bon, c'est... C'est quelque chose qu'on met en avant, mais plus tant que ça, parce que finalement, tout le monde est rêveur aujourd'hui. C'est la grande majorité, les rêveurs et les rêveuses. Et donc c'est un petit peu quelque chose qu'on attend aussi de tout un chacun, et c'est devenu la norme. C'est devenu la norme parce qu'on a aujourd'hui des cours de rêverie à l'école, on a des ateliers, des stages de rêve créatif, de rêve collectif. C'est quelque chose qu'on avait besoin d'organiser, qu'on avait besoin de systématiser, on avait besoin de se redonner le temps de rêver et de le voir vraiment comme une qualité. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a encore, toi et moi, toujours à l'école, hein, puisqu'on y retourne de temps en temps. Hein. C'est une école intergénérationnelle généralisée. Et donc, on s'entraîne. C'est quelque chose qu'on cultive au quotidien, cette capacité de rêver. Et c'est une hygiène personnelle. On a aujourd'hui de nouveaux indicateurs dans notre société. On avait à l'époque le PIB, des choses comme ça, le taux de chômage en hausse ou en baisse. Aujourd'hui, en 2030 glorieuse, on a notamment l'utopimètre qui nous permet de mesurer l'état utopiste du peuple. Et ça se mesure de plein de manières. On a chaque année... des départs de centaines, de milliers, de dizaines, presque même de dizaines de milliers de volontaires en service utopiste qui vont aller glaner les rêves des Françaises et des Français. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Roman et à Anis que j'ai interviewé, qui ont été les premières à lancer le service utopiste à l'époque en 2023. Est-ce que tu peux nous partager comme ça d'autres indicateurs qui nous permettent justement de mesurer notre capacité à voir la beauté tout autour de nous, à contempler, à regarder, à ralentir aussi, du coup, j'imagine. Alors, on mesure notamment le nombre de rêves qui émergent, à savoir des projets qui sont lancés tous plus fous les uns que les autres, et puis des projets qui aboutissent aussi. On mesure beaucoup tous les rêves qui aboutissent, au sens où le rêveur considère qu'il a atteint son rêve. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment devenu... l'une des mesures les plus importantes aujourd'hui et qui donne l'état de santé justement de notre société, c'est à quel point est-ce qu'on contribue à ce que chaque personne puisse aller développer, aller cueillir, aller cultiver ses rêves et les voir s'incarner dans le monde physique. Ça veut dire que la technologie, elle ne nous a pas complètement abandonnés en 2030. Alors, j'imagine une grande plateforme de déclaration des rêves. C'est sans doute quelque chose qui est en ligne. On vient renseigner les rêves qu'on a réussi à réaliser. On a sans doute des cahiers de déclaration de rêves aussi dans les mairies, pourquoi pas dans les bibliothèques, dans des lieux un peu publics. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de passages en pair à pair de tout ça. Il y a beaucoup de rêves parfois qui sont reliés les uns aux autres, qui s'inspirent les uns des autres et qui permettent à d'autres rêves d'émerger. Il y a effectivement une petite part de technologie là-dedans, mais ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à trouver vraiment la juste part de l'usage qu'on devait en faire. On est tellement loin maintenant de cette économie de l'attention dans laquelle on était avec les réseaux sociaux qui cherchaient à s'accaparer notre temps si précieux. Aujourd'hui, la technologie est présente un petit peu, mais ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à l'effacer de notre quotidien et qu'on a réussi à en tirer vraiment le meilleur. C'est une technologie qui est au service de l'humanité et pas l'inverse. Et ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand même, à un moment de notre vie, on passait la plupart de notre temps sur des ordinateurs. C'était quand même devant des écrans même. Il y a une époque où on pouvait se déplacer dans des transports où on n'apprécie pas du tout ce moment de voyage. On était totalement isolés les uns des autres. Maintenant, ce qui est génial, c'est quand on se déplace tous en même temps, bon, on est revenu à beaucoup plus de low-tech à ce niveau-là. J'adore, moi, prendre le bus à pédale où on s'éclate. À chaque fois, je rencontre des gens nouveaux autour de moi. On fait un petit peu de sport ensemble. À un moment, on payait des abonnements pour aller à la salle de sport. Enfin, il y a des gens qui ont fait ça. Aujourd'hui, on utilise cette énergie totalement différemment. On mesure du coup aussi le ralentissement de la société. Hein. Avant, on mesurait tous ces produits qu'on achetait en plus, toutes ces activités qu'on avait en plus, tous ces déplacements qu'on faisait en plus. Là où aujourd'hui, on mesure un peu ce ralentissement avec tous les kilomètres qu'on fait en moins, tous les bâtiments qu'on construit en moins, toutes les zones qu'on rend au vivant. Il y a cette idée aussi de ralentissement, de zones de timidité qu'on arrive à recréer à l'image des arbres qui, quand ils poussent les uns à côté des autres, réussissent à se créer des zones de partage où, en fait, ils sont pas forcément en compétition, en contact les uns des autres, mais donc ils rendent de la place pour que l'autre aussi puisse grandir. Ça se mesure. J'imagine qu'on doit aussi mesurer toutes les zones qui nourrissent nos rêves. Donc, on a des indicateurs qui mesurent le nombre de livres grandissant empruntés en médiathèque ou vendus en librairie. On a peut-être aussi le calcul du nombre de temps, d'heures qu'on passe à aller s'inspirer dans des musées. Il y a cette idée quand même qu'il faut se nourrir de tout ce qui est autour de nous pour être de meilleurs utopistes. Tu as raison, il y a tout ça. Et je tiens à rappeler quand même qu'il y a aussi plein de choses qu'on a arrêté de mesurer. Et c'est aussi ça qui fait beaucoup de bien, c'est le fait qu'on ne mesure plus l'intégralité de notre vie. Et qu'on s'autorise aussi à être dans une vraie liberté à ce niveau-là. Et on ne va pas chercher à recenser chaque chose. Et on va plus se fier, avoir une certaine forme de confiance dans l'humanité. Et même au-delà de l'humanité, puisque c'est aussi dans l'être avec les autres êtres vivants, on a aussi quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la confiance, où on va être tous plus à l'écoute les uns des autres. On y est, et quand on sent que quelqu'un est un petit peu moins épanoui, on va lui tendre la main, on est beaucoup plus dans l'ouverture, et en même temps, on est dans le respect. Si cette personne n'a pas envie de mon aide, je la laisse être aussi dans son univers à ce moment-là, et je ne vais pas aller mesurer le fait que je lui ai tendu la main ou pas. Ouais, d'ailleurs, je m'arrête deux secondes avec toi, si tu le veux bien, sur cette notion de liberté. Tu dis qu'il y a des zones de liberté, des zones où on arrête de calculer, de mesurer, de noter, et donc on parlait il y a quelques années de moments improductifs. En fait, aujourd'hui, on se rend compte en 2030 Glorieuse que la nécessité, c'est pas tant de promouvoir la liberté que de promouvoir la libération. Le côté un peu philosophique de ce changement me paraît important, et c'est pour ça que je veux m'y arrêter avec toi. Parce que la libération, c'est un mouvement permanent, c'est le fait de regarder ce qui nous limite, ce qui nous cloisonne, ce qui nous emprisonne, ce qui nous pèse, et donc de toujours essayer de s'en libérer, de s'en défaire, et de finalement être dans ce mouvement d'amélioration, de progression, qui n'est pas de la compétition, mais cette nécessité humaine de toujours se poser des questions, de toujours se mettre en mouvement, de toujours se relier aux autres pour se libérer justement de ce qui nous prenait du temps. Tout à l'heure, tu nous parlais de la technologie, des écrans qui nous prenaient énormément de temps, et donc on a réussi de plus en plus à s'en libérer. Il y en a plein d'autres de choses dont on a besoin de se libérer encore en 2030 Glorieuse. Tout à fait, et ce qui est fabuleux justement pour aller dans cet élan de la libération, c'est la capacité qu'on a à retrouver à nous inspirer, à nous émerveiller de tout simplement la richesse que représentent nos enfants, mais aussi les animaux, par exemple, et à nous rendre compte à quel point ils sont dans cette libération permanente. J'adore encore, moi, tous les moments que je passe avec ma fille, qui, waouh, elle a vraiment grandi en un claquement de doigts. Aujourd'hui, elle a 8 ans, et c'est beau, toute la tendresse qu'elle a quand elle me renvoie mon conditionnement. et qu'elle me permet d'avoir énormément de prise de recul vis-à-vis de moi-même. Mais je pense à elle, mais je pense aussi à mon ou mes deux autres enfants, je sais pas, qui sont un petit peu plus jeunes. Pas sympa pour eux d'ailleurs que tu te souviennes même plus s'ils sont un ou deux, mais bon, écoute. Ouais, mais parce qu'en même temps, tu vois, pour moi, d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai dit mes enfants, mais ils m'appartiennent absolument pas. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils m'en veulent pas. Ils savent que je suis encore avec un prisme un petit peu. Ah, la pirouette rhétorique. Mais du coup, tu parles de ça. Moi, je vois là, effectivement, notamment le vivant autour de nous, les enfants, comme des beaux garde-fous. Parce que, tu sais, à l'époque, en 2023, on disait, faut pas se reposer sur ses lauriers. Et donc là, on est arrivé en 2030 glorieuse. On pourrait avoir ce piège de se reposer sur ses lauriers et donc de tomber dans certains travers, dans une certaine fainéantise ou pourquoi pas même de faire en sorte de cristalliser certains côtés des 2030 glorieuses pour les faire tomber dans un pendant en fait négatif. Comment on arrive à justement faire en sorte que ces boussoles soient vraiment des choses qui continuent à nous mettre en mouvement, à nous faire grandir en permanence et à nous faire comprendre que l'être humain il a besoin de regarder devant lui, il a besoin constamment non pas de se dire il faut que je m'améliore pour continuer à produire, pour continuer à être dans cette efficacité, mais au contraire de ce mouvement pour se nourrir, de ce mouvement pour se relier. Tu parlais des enfants, tu parlais du reste du vivant comme garde-fou. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui en 2030 glorieuse de viser les 2040 glorieuses, les 2050 glorieuses et de continuer comme ça à garder la tête bien relevée avec le regard au loin? Alors justement, ce qui nous permet à particulièrement de bien faire cet exercice de regarder au loin, c'est de ne pas regarder que au loin. On regarde au loin régulièrement, mais on regarde aussi beaucoup dans le présent, là où on est, et on cultive vraiment ça, et on regarde aussi dans le passé pour comprendre certains travers et éviter de les répéter. On est très connecté à nous-mêmes et on a vraiment pris conscience collectivement que justement ce muscle de l'utopie, c'est un muscle, et que pour arriver à le cultiver, et ben il faut œuvrer en ce sens régulièrement. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, en 2030 glorieuse, comparé au 2023 qu'on connaissait, dans les 2030 glorieuses, il y a bon nombre de personnes qui ont découvert ces quelques dernières années leur muscle de l'utopie et qui sont passées du sportif du dimanche de l'utopie à des athlètes de haut niveau de l'utopie. Et forcément, il y a quelque chose de l'ordre du cercle vertueux, puisqu'on s'inspire mutuellement les uns les autres, et c'est une spirale fabuleuse qui est totalement inarrêtable à ce niveau-là. Et on s'enrichit tout le temps de la diversité qu'il y a dans nos interactions, dans cette capacité à nous connecter aux différentes visions des 2040 glorieuses et des 2050 glorieuses, et c'est quelque chose qui est inarrêtable. C'est trop tard maintenant, on a goûté ce fruit d'une saveur exquise et on ne reviendra plus en arrière. D'ailleurs, je sais qu'à l'époque, en 2023, l'utopie, elle était militante, elle était radicale, elle était affirmée, elle était demandeuse, elle était parfois un peu revancharde aussi, cette utopie, avec une énergie très nécessaire à l'époque. Aujourd'hui, ces 2030 glorieuses font que l'utopie, elle peut être aussi gourmande, elle peut être aussi un peu plus chaloupée, j'allais dire. Elle peut être rigolote, elle peut être amoureuse. On a réussi à faire en sorte qu'elle soit dans une autre et dans d'autres énergies, l'utopie, en 2030 glorieuse. Tout à fait. Quelque chose qui nous permet de durer peut-être un peu plus sur le temps long. Tout à fait. Et elle est réellement fédératrice aussi. On a compris que c'était aussi par cette diversité qu'on pouvait grandir, et toutes les désunions, tous les affrontements qu'il y avait il y a 7 ans se sont entièrement transformés, et c'est surtout ça, ces luttes, ces oppositions qui ont laissé place à une ouverture, parce qu'on s'est rendu compte aussi que bon nombre de nos rêves avaient tellement de similitudes qu'on gagnait énormément à s'entraider les uns les autres pour aller les, dans le sens de leur réalisation. Question à 10 millions de dollars. Je ne suis plus Julien Vidal qui est en train de t'interviewer. On ne travaille pas ensemble, Arthur. On n'a jamais travaillé ensemble. Enlève ça de ta tête. Qu'est-ce que tu fais, toi, en 2000? Est-ce que tu peux remplacer les 10 millions de dollars par 10 millions de rêves? Ouais, si tu veux, par 10 millions de ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, en 2030, Glorieuse? Vaste question qui évolue en permanence. Encore aujourd'hui, je me questionne, mais je fais pas mal de choses, des choses assez diverses, et c'est aussi ça qui m'éclate, c'est de pouvoir rencontrer plein de gens à travers toute la Méditerranée, parce que je voyage souvent en cargo à voile pour aller m'inspirer de rencontres. J'ai contribué au développement de plusieurs réseaux d'écovilles. Les écovilles, c'est une nouvelle forme de commune dans laquelle on a des écovillages de plus ou moins grande taille qui sont très bien reliés les uns aux autres à travers la mobilité douce. Et donc, j'ai une partie entrepreneuriale qui s'est développée en ce sens. J'aime beaucoup, à travers mes voyages et à travers ce réseau, justement mettre en relation des gens, et notamment ce qu'on appelait il y a quelques années les réfugiés climatiques. Aujourd'hui, c'est simplement des mines d'or, des puits d'inspiration et d'ingéniosité pour cultiver toute la low-tech dont on a besoin et toute notre capacité à nous adapter. Et puis je fais beaucoup de musique. J'ai un groupe qui marche pas mal. Quand on se balade en France, on fait le tour comme ça des écovilles en train, et on joue dans les trains et dans les gares, qui sont des nouveaux lieux de vie extrêmement extrêmement puissants. Pour les personnes qui nous écoutent là, Arthur, et qui du coup nous disent mais moi aussi j'ai envie de travailler plus activement à construire ces 2030 glorieuses dès à présent, si on revient en 2023, qu'est-ce que tu leur recommandes là comme action très concrète pour continuer vers ce chemin des 2030 glorieuses qu'on a fixé ensemble? Je dirais de commencer par s'autoriser à un voyage introspectif, s'autoriser à se poser les questions de qu'est-ce qui vous tient réellement à cœur, quels sont les rêves d'enfant que vous aviez, que vous avez laissé de côté par habitude, par conformisme. Questionnez-vous sur tout ça et puis partagez-les, échangez-les avec d'autres personnes, donnez-vous les moyens de les développer, de les cultiver et peut-être même de les faire évoluer, de les transformer, de les partager et de réveiller autour de vous cette capacité. Et oui, réellement, faites de vos rêves des stratégies. C'est quelque chose qui fait pleinement sens, et ne restez pas seul. Allez chercher ce qui résonne en vous. Fiez-vous à votre instinct aussi par rapport à ça. Allez chercher des moyens de les réaliser et de voir plus grand. Et en même temps, soyez indulgent avec vous-même, parce que il faut pas oublier le fait que c'est un long parcours de déconstruction, qu'on a toutes et tous un conditionnement qui marque pleinement notre construction, et il y a des moments où ça va être plus difficile que d'autres, et si vous en avez le besoin, ressourcez-vous avec vous-même. Mais n'oubliez pas de faire appel à l'aide aussi parfois en ce sens, et trouver les communautés qui vont vous aider à cultiver ça, à ne pas être seul. Je suis convaincu qu'il y a une énorme forme de résilience à travers le pair à pair, et pourquoi pas chercher une ou plusieurs personnes autour de vous et à vous aider mutuellement à atteindre vos rêves. Et je pense que voilà, c'est déjà pas mal. Merci Arthur. Merci à toi Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !